Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Elf, second volet, quand l'instruction éclabousse la classe politique. Ils ont fait sauter la banque et maintenant, pour eux, direction la prison. Un titre parmi d'autres de la presse française à l'issue du procès de l'affaire Elf en 2003. Un titre qui illustre cette histoire, le plus grand détournement de fonds de l'après-guerre en France. De 1989 jusqu'à 1993, ce sont plus de 300 millions d'euros qui se sont évaporés des caisses de ce qui était alors la première entreprise de France, entreprise publique, donc argent public. Ce sont des centaines et des centaines de valises remplies de billets qui ont suivi le même chemin pendant 4 ans, comme un rituel, pour s'en aller presque tranquillement, se cacher sur des comptes en Suisse, dont les titulaires n'étaient autres que les principaux dirigeants du groupe Elf. Mais dans cet océan de pétrole, de prévarication, de détournement d'argent public et de France-Afrique, l'instruction de l'affaire Elf, menée sous les pressions et les menaces par la juge Eva Joly, secondée par la juge Laurence Wieńczewski, a aussi révélé la partie cachée de l'iceberg, le financement des partis politiques. C'est ce volet que nous allons vous raconter aujourd'hui avec pour invité le personnage central de l'instruction, la juge Eva Joly, devenue députée européenne Europe Écologie Les Verts. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot et Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyen, Jérôme Chélius, à la technique Élodie Boyer, David Federman. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Et vous souhaitez être entendu par Eva Joly ? C'est le détail. C'est la suite logique de l'instruction de l'affaire dite Elf Biedermann, qu'on nomme désormais plus volontiers l'affaire Le Floc. L'image symbole d'une perquisition spectaculaire. Roland Dumas, encadré de Laurence Wieńczewski et Eva Joly, qui enquête depuis plusieurs mois sur une affaire d'escroquerie où son nom est cité avec insistance. On sort un dossier qui est un dossier leurre. Quelque part, on en fait une affaire d'État parce qu'il y a un ministre qui a reçu quelques cadeaux. C'est ridicule. Si on veut la vérité, il faut y aller jusqu'au bout. Et elle a peur de rien. Elle la veut, la vérité. Un rebondissement dans l'affaire Elf. Des documents pouvant mettre en cause le PDG d'Elf Gabon se sont volatilisés dans les locaux de la police judiciaire parisienne. C'est ridicule. Monsieur Dumas demande à connaître également ce dossier qui apparemment d'ailleurs ne le concerne pas. L'affaire Elf, c'est un peu comme une grosse pelote de laine. On la déroule et le fil semble ne jamais vouloir s'arrêter. C'est bien le sentiment qu'on a eu, souvenez-vous, pendant les 8 ans et demi de procédures qui ont jalonné cette histoire et qui ont abouti à la condamnation définitive de l'élite dirigeante du groupe, Loïc Le Floc-Prigent, Alfred Sirvin, André Tarallo et consorts, lors du procès du volet principal de l'affaire, le détournement de fonds en 2003. Puis vint le tour de la sphère politique, avec dans le viseur un président du Conseil constitutionnel en exercice, des anciens ministres, des députés, des affaires dans l'affaire donc. Si la lumière a été faite sur les épisodes que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à la ténacité de la juge Eva Joly, chevalier blanc des comptes frauduleux de l'or noir, un monde noir, dont nous avons déjà pris le temps de vous parler ici, mais dans lequel il convient de replonger pour suivre cette fois la trajectoire de la magistrate et de ses affaires dans l'affaire qui feront entrer de plein pied le dossier Elf dans le club nauséabond des plus grands scandales politico-financiers de la Ve République. Pour Eva Joly, comme pour l'instruction, tout commence le 18 août 1994, lorsque le parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre X pour abus de biens sociaux. Le président de l'entreprise pétrolière, Loïc Le Floc-Prigent, est soupçonné d'avoir renfloué les caisses de l'entreprise de son ami Maurice Biedermann avec l'argent public d'Elf. Une situation, somme toute classique, de détournement de fonds publics. C'est donc à la juge Eva Joly que le dossier est confié. À cette époque, le grand public ne la connaît pas encore, mais elle a déjà une solide réputation. On dit qu'elle passe plus de temps avec ses dossiers qu'avec sa famille, qu'elle est secrète, qu'elle a une haute idée, très haute idée de sa fonction, qu'elle ne laisse rien passer et qu'elle a la main qui ne tremble pas. Elle va le prouver à ses dépens, parfois. Une incorruptible, quoi. Il faut dire que le dossier qu'elle a entre les mains est éminemment politique et sensible. On parle d'Elf, la première entreprise française, bras diplomatique de la France, en Afrique notamment. Mais au fil des auditions, la magistrate découvre vite que le rachat de complaisance entre amis de l'entreprise de Biedermann dissimule en fait toute la politique d'achat immobilier à l'étranger du géant français du pétrole et surtout une cagnotte secrète. Alors Eva Joly décide d'écrouer Maurice Biedermann, puis de convoquer celui qui n'est alors pas un PDG comme les autres, l'ancien président d'Elf et PDG de la SNCF, à cette époque Loïc Le Floch-Prigent. Arrivée furtive, on ne l'aura vu que de dos. Loïc Le Floch-Prigent ne souhaitait pas de publicité et de mémoire de gendarme, on n'avait pas vu un tel dispositif de sécurité au palais de justice depuis les auditions du terroriste Carlos. Il faut dire que la mise en examen de Loïc Le Floch-Prigent est attendue. C'est la suite logique de l'instruction de l'affaire dite Elf Biedermann, qu'on nomme désormais plus volontiers l'affaire Le Floch. Il est ce qu'on appelle un patron de gauche, mais a fait l'unanimité à Gaz de France, puis à Elf Aquitaine, à tel point que c'est à lui que le gouvernement Juppé a pensé pour regagner la paix sociale à la SNCF après les grèves de décembre. Pour lui, il ne cesse de le répéter, Elf, c'est du passé. Mais ce passé intéresse au premier chef le juge Eva Joly, qui se pose deux questions simples aux réponses apparemment compliquées. Pourquoi le groupe Elf a-t-il financé à hauteur de 787 millions de francs le groupe textile Biedermann à la dérive alors que celui-ci n'avait aucune chance de se redresser? Est-ce simplement parce que Loïc Le Floch-Prigent et Maurice Biedermann sont amis de longue date? Pourquoi l'ex-épouse du PDG d'Elf a-t-elle perçu des chèques du même Biedermann? Le juge d'instruction se donne tous les moyens d'avoir des réponses. Maurice Biedermann est en détention provisoire depuis le 24 mai. Trois directeurs d'Elf sont mis en examen, ainsi que l'ex-épouse de Loïc Le Floch-Prigent. Celui-ci est entendu depuis près de 6 heures par le juge Eva Joly. Pas de photos, pas de caméra, des journalistes soigneusement tenus à distance, Eva Joly sait recevoir et surtout, elle sait mettre à profit tous les moyens dont elle dispose pour mener à bien son instruction. Parmi eux, il y a bien sûr la prison. Et dans la soirée du 4 juillet 1997, elle y envoie Loïc Le Floch-Prigent, mis en détention provisoire pour abus de biens sociaux. La machine judiciaire est lancée, tout comme le duel qui va désormais opposer la juge d'instruction à l'ancien PDG d'Elf. Assis face à face dans le même bureau, ils vont pendant près de 6 mois se rencontrer chaque semaine. L'une a des questions à poser, l'autre n'a pas de réponse à apporter. Loïc Le Floch-Prigent parle d'acharnement. En fait, il ne se rend pas compte de sa situation, il vit dans le déni. Jeu du chat et de la souris, au fil des convocations, le ton monte dans le bureau de la juge, comme le révèle notamment le docufiction de Lucas Bellevaux, Les Prédateurs. Était-ce l'amitié qui vous liait à Maurice Biedermann qui vous a conduit ainsi à engager les fonds de la société? Parce que je n'ai pas d'autre explication au versement que Mme Linporte affirme vous avoir fait à vous et à votre épouse au nom de Maurice Biedermann. C'est un échange de bons procédés entre amis. Comme d'ailleurs les largesses dont a bénéficié Mme Belaïde après votre divorce. J'ignore tout des arrangements que Maurice Biedermann et mon ex-femme ont pris après notre séparation. Je n'ai aucun contact avec Fatima Belaïde depuis mon divorce, vous devriez le savoir. Quant à Maurice Biedermann, c'est un ami. Et je vous rappelle, puisqu'il le faut, que le soutien à Biedermann a au départ obéi à une volonté du gouvernement qui tenait à ce que le groupe échappe à la faillite. Et ce soutien a continué après mon départ. On est loin, je crois, des petites magouilles entre amis qui ont l'air de tant vous plaire. Ou alors, il faut considérer Philippe Jaffray comme un ami et le mettre lui aussi en examen. Non, pourquoi pas? On serait toute une bande. Vous moquez de moi, monsieur Le Floch, et ce n'est pas une bonne idée. Je crois pas un traître mot de ce que vous avancez là. Je vois bien que vous cherchez à mener les faits dans une direction qui vous arrange. Écoutez, admettez qu'on... Je n'admets rien de la femme cuisine que vous êtes en train de faire. Je n'admets plus d'attendre des journées entières ici au dépôt, des auditions qui sont systématiquement reportées au lendemain. Je n'admets plus d'être fouillé à corps pour rien, déshabillé, humilié, traité comme un tueur. Je n'admets plus rien. Commence alors une histoire de détestation réciproque, une histoire qui dépasse celle du simple cadre de l'instruction, une histoire passionnelle, celle d'un homme et d'une femme que tout oppose. Mais il n'y a pas que le PDG du groupe Elf qui se retrouve chez la juge. Ils vont venir en nombre. L'ex-femme du PDG, Fatima Belaïde, l'homme d'affaires André Guelfi, André Tarallo, l'ex-monsieur Afrique du groupe, et puis des intermédiaires du groupe dans des affaires plutôt louches. Ne manque finalement que l'ex-numéro 2 d'Elf, Alfred Sirvin, qui lui est en cavale. Une cavale, comme on va le voir, aidée par certaines sources influentes proches des cabinets de pouvoir. À l'heure de rencontre en révélation, la juge Eva Joly assemble les pièces du puzzle, ce qui va la conduire à dériver parfois de l'enquête initiale sur le détournement de fonds pour orienter ses investigations sur le terrain dit des affaires dans l'affaire, car Elf est une toile d'araignée. L'année 1997 marque un tournant décisif. D'abord parce que la juge Laurence Wisniewski seconde Eva Joly à la tête de l'instruction, mais aussi parce que le 7 mars, on assiste à l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'escroquerie à l'encontre d'un intermédiaire chinois mandaté par Elf pour faciliter la vente de 6 frégates militaires par le groupe Thompson à Taïwan en 1990. C'est le début d'une autre affaire qui se rattache indirectement à Elf, l'affaire des frégates de Taïwan. La justice s'intéresse alors, et non sans raison, aux différents intermédiaires crédités par Elf pour conclure ses affaires. Après André Guelfi, porteur des valises de l'argent des commissions, c'est le nom de Christine Devier-Joncourt qui revient fréquemment au palais de justice de Paris. Or, cette femme, à l'époque des faits, est la maîtresse du ministre des Affaires étrangères, alors en fonction, Roland Dumas. Chez Elf, elle est devenue salariée grâce à Alfred Sirvin. Parmi ses avantages, une carte bancaire au nom de la société qu'elle peut utiliser à loisir pour régler ses dépenses et un salaire mensuel de plus de 7000 euros. Pour quelle fonction ? Officiellement, elle est chargée d'études préalables à la mise en place du plan de retraite complémentaire pour Elf Aquitaine, un titre bien rutilant pour quelqu'un qui, en vérité, est plutôt la parole d'Elf auprès du ministre des Affaires étrangères. En novembre, elle est mise en examen et placée en détention provisoire. Elle le restera jusqu'en avril 1998. Elle est soupçonnée d'avoir perçu du groupe pétrolier 10 millions d'euros entre 1990 et 1993 pour infléchir la décision de Roland Dumas dans l'affaire des frégates de Taïwan. On appelle ça tentative de corruption. Dans une affaire où son nom revient avec insistance, celui qui est alors pendant l'instruction, rappelons-le, président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas. Il se défend lors d'une entrevue télévisée. Vous avez porté plainte. Ah oui, 2 plaintes, plus une saisine du procureur de la République dans le cadre de sa compétence, une plainte pour diffamation et une plainte pour violation du secret d'instruction. Elles sont pour le moment en cours d'instruction, donc on ne peut pas en dire davantage. Et vous souhaitez être entendu par Eva Joly ? C'est le détail. C'est justement des détails qu'Eva Joly veut parler. Après les révélations par le journal Le Monde, selon lequel des transactions avec des montants très importants ont été effectuées entre 1991 et 1992, à l'époque justement de la signature du contrat sur les frégates de Taïwan. Car dans cette histoire, Elf et Roland Dumas ne se côtoient pas directement, non. Et c'est là qu'intervient à chaque fois le lien, la courroie de transmission. Christine Devier-Joncourt, à la fois salariée d'Elf et maîtresse de celui qui est alors ministre des Affaires étrangères. Dans les mois qui suivent, les événements s'accélèrent. Roland Dumas est lui aussi mis en examen dans le cadre de l'affaire des frégates. Ses comptes bancaires font apparaître 10 millions de francs de versement entre 1991 et 1996. Fait rare dans l'histoire de la Ve République, les juges Eva Joly et Laurence Wisniewski procèdent à une perquisition au domicile du président du Conseil constitutionnel. L'image symbole d'une perquisition spectaculaire. Roland Dumas, encadré de Laurence Wisniewski et Eva Joly, les deux juges d'instruction qui enquêtent depuis plusieurs mois sur une affaire d'escroquerie où son nom est cité avec insistance. Tôt ce matin, accompagnées d'hommes de la brigade financière, elles ont d'abord perquisitionné les bureaux privés de Roland Dumas. Sous les yeux du président du Conseil constitutionnel, les enquêteurs emportent les premiers documents de cette perquisition qui ne prendra fin qu'à la nuit tombée. Vers 13h, le trio se rend rue de Bièvre, au domicile de Roland Dumas. Dans les archives de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Eva Joly et Laurence Wisniewski s'intéresseraient en particulier au relevé de comptes en banque. La police se charge d'éloigner les curieux, elle s'occupe aussi d'amener des cartons supplémentaires pour emporter de nouveaux documents. Parallèlement, d'autres policiers perquisitionnent la résidence secondaire de Roland Dumas en Gironde. À Paris, les deux juges d'instruction vont rester près de 6 heures dans l'appartement de l'ancien ministre. À la sortie, elles prendront bien soin d'éviter toute apparition. Pas question de prêter le flanc aux éventuelles accusations de pratiquer une justice médiatique. À son domicile, les deux juges découvrent une preuve bien embarrassante pour le ministre. Des statuettes antiques d'une valeur de plus de 5000 euros offertes par Christine de Viejoncourt et dont l'achat a été réglé par une carte bancaire du groupe Elf. Et ce n'est pas fini. Le journal Le Monde révèle que pendant 2 ans, entre 1991 et 1993, Alfred Sirvin, celui qui s'est enfui, a organisé des rencontres entre le président François Mitterrand et Charles Pasqua, alors dans l'opposition. Pour quelle raison un président de la République et un adversaire politique, bien qu'ils se connaissent et entretiennent des relations cordiales, se retrouvent-ils en compagnie du numéro 2 d'Elfe dans une villa du groupe pétrolier ? Charles Pasqua, qui figure dans le carnet d'adresse d'Alfred Sirvin, affirme face aux caméras qu'il a toujours ignoré que le numéro 2 d'Elfe était l'organisateur de ces rencontres. Lorsque j'avais une information concernant des problèmes de sécurité, je le lui faisais savoir. Quand nous rencontrions, c'était toujours à sa demande, et pas autrement, c'est pas moi qui pouvais dire « je souhaite voir le président de la République ». C'est un film historique. Quand je vois dans Le Monde que soi-disant c'est Sirvin qui organisait ces réunions, c'est ridicule. Il n'est jamais intervenu dans ce genre d'affaires. Jamais dans ce genre de rencontres. C'est pas lui qui les organisait. C'est un contact direct entre le président de la République et moi. Je n'ai jamais su d'ailleurs que cette propriété dans laquelle on se rencontrait pouvait appartenir à Elf. Le docteur Rayard n'a pas éprouvé le besoin de me le dire. Et moi je lui ai pas demandé. C'est tout. Oui, mais fait accablant pour l'ancien ministre, selon un rapport des policiers de la brigade financière de Paris, Charles Pasqua a été pendant 5 ans le passager de 71 vols privés, dont Elf, oui, Elf, a été l'affréteur à 24 reprises. Le coût total des déplacements réglés par Elf dépasse les 150 000 euros. Les documents attestant de ces voyages sont recueillis en marge de l'enquête sur le trafic d'armes vers l'Angola, où Charles Pasqua fait partie des non-cités. Ils sont ensuite transmis au juge chargé du dossier Elf. Quel écheveau, quel sac de nœuds, pourrait-on dire, de façon plus familière. Alors que l'étau se resserre sur les liens de connivence entre certains hommes politiques et la société Elf, on vient de le voir, la pression se fait aussi de plus en plus forte sur la juge Eva Joly, à qui l'on met les premiers bâtons dans les roues. N'en parlez pas, m'a-t-on dit. Et pourtant ce silence a comme un balancement maudit qui vous met la pendule à l'heure. C'est le moment, c'est pas trop tôt, pour parler des troisièmes couteaux. Ils ne font rien, ils se situent. Ils sont consultants ambigus des hydres multinationales. Pas de nom que des initiales. Ils ont de grands ordinateurs, poules de luxe, hommes de paille, requins banquiers, simples canailles. Pas de nom et pas de photos. Leurs sociétés sont étrangères, plus compliquées est le réseau qui les relie à leurs affaires. Il était grand, il était beau, il sentait bon son Lugano, mon gestionnaire. De Lugano était la banque Ambrosiano, là où les vierges vaticanes faisaient fructifier leurs magots. Loge P2 dans ses arcanes à 2 massifs cardinaux pour les consultations diaphanes avec de joyeux mafiosos. Le fameux compte à numéro passe de Zurich à Lausanne, de Bâle à Londres, près de Sceaux, rencontra le troisième couteau. Il était chauve, il était gros, portait des fringues de chez Smalto, mon mercenaire. drôles d'oiseaux prennent toujours pour plan de vol les bulletins de la météo. Ils vont toujours où il fait beau. Pas de nom et pas de photo, leurs sociétés sont étrangères. Plus étonnant est le réseau qui les réunit entre frères. Ils ne font rien, ils se situent. Ils prennent, ils se gavent, ils se tuent. Trivialité derrière les mots, la réussite dans les crocs. Ils sont là à tous les niveaux, c'est le règne des troisièmes couteaux. Dès le début de l'affaire Elf, tout semble disproportionné. Il y a bien sûr les chiffres, les personnalités impliquées, mais il y a aussi les actes. Et comme dans un mauvais film sur la mafia, il y a aussi les menaces physiques et verbales. En première ligne donc, parce que c'est elle qui mène l'instruction, la juge Eva Joly. Un matin, alors qu'elle arrive face à la porte de son bureau, elle trouve accrochée une menace de mort qui lui est directement adressée. Dans l'entourage de la juge, on met en garde. Il faut dire que depuis le printemps 96, son téléphone a déjà été mis sur écoute, sa maison surveillée, elle a été filée plusieurs fois dans la rue. Mais par qui ? Dans le docufiction de Lucas Bellevaux, le procureur Marin donne un mystérieux élément de réponse. Je vous en prie. Asseyez-vous. J'ai quelque chose d'important à vous dire qui vous concerne directement. Voilà. Un de mes amis, un homme politique haut placé, m'a parlé de vous. Et m'a dit en substance que vous couriez un danger imminent. Ce sont les mots qu'il a utilisés. L'homme est fiable et très bien informé. Je ne mets absolument pas sa parole en doute. Qui ? Vous pouvez me le dire. D'accord. Mais à une condition, c'est que vous n'en parliez à personne. Absolument personne. À personne. À votre place, je demanderai une protection policière. Vraiment. Jusqu'à la fin de l'instruction, Eva Joly va bénéficier effectivement d'une protection permanente. Deux policiers du service de protection des hautes personnalités seront affectés à son service et ne la lâcheront pas d'une semelle. Une mesure qu'on réserve habituellement aux juges en charge des affaires antiterroristes. C'est dire la gravité des menaces qui pèsent alors sur la magistrate. Cette tension autour de l'instruction se traduit aussi par de surprenants événements qui jalonnent le dossier. Oui, les faits sont troublants. Dans la nuit du 19 au 20 avril 1997, par exemple, un carton de documents ultra confidentiels concernant l'ex-monsieur Afrique du groupe Elf, André Taralo, est dérobé au sein même de la brigade financière. Dans ce dossier, des relevés bancaires, des photocopies de chèques et des comptes de société, tout cela prend le large. L'IGPN, la police des polices, est immédiatement saisie. Et dans la foulée, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Louis Debray, fait part de sa colère et de son engagement à retrouver les coupables. Je prendrai toutes les sanctions, s'il s'avérait qu'il y ait une faute, à l'égard des fonctionnaires, et je ferai traduire en justice celles ou ceux qui seraient coupables de cette disparition. Heureusement, l'ensemble des pièces saisies a été inventorié, mais dans l'entourage de la juge, tout le monde se retrouve soupçonné. Car enfin, qui mieux qu'un policier pour s'infiltrer dans ce qu'on appelle le château des rentiers, autrement dit, les locaux de la brigade financière de Paris, un bâtiment très bien protégé dans lequel il faut montrer patte blanche pour pénétrer normal. Les propres enquêteurs d'Eva Joly sont donc un temps soupçonnés. Tout le monde est passé au crible. Mais dans une affaire où rien n'est simple, on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qui s'est sur ce point réellement passé. Monsieur Dumas demande à connaître également ce dossier qui apparemment d'ailleurs ne concerne pas. Alfred Sirvin, ex numéro 2 d'Elf. On vous a déjà beaucoup parlé de lui dès son arrivée. Loïc Le Floch-Prigent le nomme chez Elf comme son bras droit. Il est celui qui rend un peu plus opaque un système qu'il était déjà. Un expert, ce monsieur Sirvin. Commission, rétrocommission, indemnisation et abonnement, c'est sa bible. La méthode, oh, classique et éprouvée. Alfred Sirvin est celui par qui passe l'argent sale dans toutes les transactions d'entreprises pétrolières. Cela n'étonne donc personne que la justice demande à l'entendre. Mais celui-ci reste introuvable. La juge Eva Joly demande donc, en mars 1997, qu'un mandat d'arrêt international soit diffusé par Interpol contre l'ex numéro 2 d'Elf. Là encore, à l'image de cette affaire tentaculaire, rien n'est simple, car il faut plus d'un an et demi pour que le signalement d'Alfred Sirvin soit émis. Dans les couloirs du parquet de Paris, on parle d'un simple problème de communication avec les juges, Eva Joly et Laurence Wisniewski, qui seraient trop isolés. Comment ça? Trop isolés. Alors que quelques dizaines de mètres seulement séparent le bureau des deux juges de l'affaire Elf et ceux de la deuxième section du parquet en charge d'envoyer le dossier. La géographie du palais de justice serait-elle la géométrie variable ? Le procureur adjoint, François Foulon, tente de défendre comme il peut le travail de ses fonctionnaires, mais il ne convainc pas grand monde. Tout cela n'a pas pris si longtemps, puisque dès l'instant où les juges d'instruction ont communiqué les documents, ceux-ci ont été adressés pour diffusion, comme je viens vous le dire, à la direction centrale de la police judiciaire, tant auprès du système Schengen qu'auprès d'Interpol pour la Suisse. Pas si longtemps, comme le dit François Foulon. Tout dépend de la dimension qu'on donne à 18 mois, autrement dit 540 jours, 30 000 heures, tout ce temps, pour qu'enfin la demande arrive dans les bureaux d'Interpol et que la superpolice puisse émettre la fameuse petite fiche rouge, symbole pour tous les pays qu'un individu est activement recherché. Mais à ce moment-là, Alfred Sirvin est déjà loin, très loin. On parle de l'Afrique du Sud, on parle des Philippines. Dans le même bateau qu'Alfred Sirvin, il y a André Tarallo, l'ex-monsieur Afrique du groupe. Celui qui était en charge chez Elf d'entretenir les bonnes amitiés avec les dirigeants africains. Dans le langage france-africain de Elf, il faut comprendre, reverser une partie des commissions du pétrole directement au président ou dictateur du réseau france-africain. Un pillage en bonne et due forme de l'argent public d'une partie de ce continent qui en a pourtant grandement besoin pour son développement. Lorsqu'elle convoque Tarallo le 4 avril 1997 face aux charges qui s'accumulent contre lui, on parle ici des nombreux comptes qu'il possède en Suisse remplis avec de l'argent du groupe Elf. La juge Eva Joly souhaite le mettre en examen pour abus de biens sociaux. Mais dans sa hiérarchie, on lui fait vite comprendre que ce n'est pas possible, que de trop grands intérêts sont en jeu. Alors repartons vers le petit écran avec le docufiction Les Prédateurs, au moment où Lucas Bellevaux reconstitue un appel qu'aurait reçu la juge Eva Joly de la part du procureur Jean-Claude Marin. Marin, bonsoir. C'est très simple. Si Tarallo n'est pas libéré, Elf Gabon sera nationalisé. Et ce sera annoncé dès demain. C'est Omar Bongo lui-même qui l'annonçait à Jacques Chirac dès qu'il a su ce qui se passait. Bongo estime beaucoup Tarallo et ce n'est pas la peine d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'il n'y a pas que de l'estime en jeu dans tout ça. J'ai toujours eu confiance en vous et en votre sens des responsabilités. Au revoir. Nous voilà donc arrivés au premier procès de cette affaire Elf, celui du volet Dumas. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Notre invitée aujourd'hui pour ce second volet de l'affaire Elf, Eva Joly, la juge qui a instruit l'affaire Elf et qui est maintenant députée européenne Europe Écologie Les Verts. Malgré tous les déboires qu'elles rencontrent sur leur chemin, l'investigation des juges Eva Joly et Laurence Wisniewski mène Roland Dumas devant le tribunal correctionnel. Après plusieurs reports pour raisons de santé, la 11e chambre du tribunal de Paris fixe au 22 janvier 2001 le début du procès dans le volet Dumas de l'affaire Elf. Dès lors, le président du Conseil constitutionnel présente sa démission et cède aux pressions qui se multiplient depuis des mois. Christine de Viejoncourt et son avocate expliquent leur soulagement à l'idée qu'un procès ait lieu tout en regrettant que l'affaire des commissions d'Elf passe en second plan. Oh, je suis très impatiente de ce procès. Ça fait des mois que je l'attends, que je le demande. Donc je suis tout à fait contente qu'il ait lieu. On sort un dossier qui est un dossier leurre. Quelque part, on en fait une affaire d'État parce qu'il y a un ministre qui a reçu quelques cadeaux. Et on cache avec une volonté formidable la véritable affaire d'État, qui est celle des frégates, avec ses commissions et ses rétrocommissions. Donc il y a deux poids et deux mesures. Si on veut la vérité, il faut y aller jusqu'au bout. Et elle a peur de rien. Elle la veut, la vérité. Alors que le procès débute à Paris en janvier 2001, coup de tonnerre. Celui qui a promis de faire sauter au moins 10 fois la République, Alfred Sirvin, est arrêté à Manille, aux Philippines. Il est rapatrié manu militari dans un avion destination Paris. Mais comme tous ceux qui profèrent ce genre de menaces, faire sauter la République, il ne les mettra jamais à exécution, enfin, pas complètement. À l'issue du procès, le 30 mai 2001, la justice condamne Alfred Sirvin, Loïc Le Floch Prigent, Christine de Viejoncourt et Roland Dumas à des peines d'emprisonnement fermes pour abus de biens sociaux. Ils font appel et gagnent, ou perdent. C'est la relaxe pour l'ancien président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, mais la confirmation de la condamnation pour Loïc Le Floch Prigent et Christine de Viejoncourt. S'il ne s'agissait que d'un roman, on retiendrait de l'affaire Elf ces chiffres astronomiques. Près de 300 millions d'euros détournés, 30 des 37 prévenus condamnés, 8 ans et demi de procédure, 9000 pages de dossiers d'instruction. Non, décidément, tout dans cette affaire Elf reste démesuré. Elle n'est pas comparable à toutes les autres affaires. L'instruction menée au pas de charge par les juges Eva Joly et Laurence Wisniewski et un peu plus tard par Renaud Van Ruynbeck démontre que d'une affaire de détournement de fonds, on en arrive à montrer toute l'implication de la sphère politique dans les milieux économiques parfois. Elf, ce n'était pas que des millions brassés sur des comptes privés, ce sont des millions qui ont servi aussi à alimenter les campagnes électorales des partis politiques. Pendant près de 9 ans d'instruction, l'instruction a été perturbée par les plus hautes instances de l'État, comme s'il ne fallait pas qu'elle aboutisse, pour qu'elle n'éclabousse pas, parce que cette pompe à fric, qui était Elf pour les puissants, il ne fallait pas y toucher. La justice peut faire son travail sur d'autres dossiers sensibles en France, heureusement, mais à l'époque, pas sur le dossier Elf, non, pas celui-là, trop de gens en profitaient et y puisaient. Et pourtant, contre vents et marées, en ce mois de novembre 2003, et même si Roland Dumas, par exemple, s'en est sorti, la justice est passée. Des peines de prison fermes ont été prononcées, rappelons-le, contre le trio Le Floch, Prigent, Sirvin, Tarallaud, coupables de ce que le juge Michel Desplan qualifie de plus honteux pillage de la Ve République. Oh, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bonjour Eva Jolie. Bonjour. Et surtout, merci de participer à cette émission Affaires Sensibles. Nous avons raconté en deux volets l'affaire Elf, donc l'affaire proprement dite, et puis ce qu'on appelait après le second volet de l'affaire, les affaires dans l'affaire, l'implication des politiques. Votre implication était très forte dans ce dossier, on y reviendra. J'imagine que ça vous laisse encore un souvenir très fort et quelquefois même très dur. Vous avez subi des pressions. D'où venaient ces pressions et comment vous les avez gérées ? Pendant l'instruction, n'importe quelle décision faisait l'objet d'un appel et le dossier est allé en cours de cassation plus de 10 fois avant l'audience. Et donc c'est un dossier complètement abnorme par sa taille et abnorme parce qu'il révélait, c'est-à-dire il y avait la peur dans ce dossier. Les témoins avaient peur, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai été entendre un témoin en Israël et lorsque j'avais fait la perquisition chez lui avant qu'il ne prenne la fuite, le lit était encore chaud, il y avait du lait dans le frigo, il venait de partir. Et ce témoin était mort de peur, réellement. Et cette peur, elle était exprimée par beaucoup de témoins. Ils étaient sous pression chez Elf et ceux qui ont coopéré un peu à l'enquête, leur carrière était d'ailleurs souvent terminée parce que ils avaient résisté à la demande de ce que j'appelle l'installation des pompes. Chez Elf, sur les 3 années où je menais l'enquête, 89-92, pas un contrat, pas un seul contrat n'était passé qui ne comportait pas des pompes dedans pour alimenter leur fameux fonds secret. Que certains mis en examen décrivaient comme une baignoire. C'était une énorme baignoire installée qu'on remplissait par tous les divers contrats. Et en dessous, il y avait beaucoup de personnes qui avaient leur petite irrigation. Alors, je parlais des pressions. À ce propos, on va écouter ensemble, réécouter Jean-Pierre Boucher du syndicat de la magistrature. Nous sommes le 20 avril 1997. Des documents sous scellés de l'affaire Elf viennent d'être dérobés au siège de la brigade financière. Écoutez ce qu'il en dit. Qui a pu faire disparaître de tels documents ? En effet, on peut difficilement imaginer que quelqu'un de l'extérieur puisse venir dans les locaux de la police, trouver les documents parmi des milliers de documents et les faire disparaître pour éviter que l'enquête ne puisse continuer. Alors qui, Eva Jolie ? Alors nous n'avons jamais su qui les avait volés. Mais bon, les voleurs n'étaient pas très bien renseignés. Et j'avais des merveilleux OPJ. J'avais officier de police judiciaire. Voilà, j'avais Thomas de Ricolfis qui était chef de ou qui était le chef enquêteur et il avait fait les constatations sur le scellé avant qu'il ne soit volé. Et il me les avait faxés. Donc, j'avais les constatations faites sur les scellés. Et ces scellés-là concernaient Tarallo, concernaient sa villa en Corse. Encore la démesure. Une énorme villa, entièrement aussi payée par Elf, mais on parle de milliers de mètres carrés, avec un oliveraie planté d'arbres qui avaient 100 ans, c'était sans limite. Et donc, il y avait la pression sur nous, il y avait la pression sur les enquêteurs, il y avait la pression sur les juges, il y avait les menaces, il y avait le carton fiché dans ma porte avec le nom des juges qui avaient été assassinés en France et en Italie, avec le mien en dessous. Il y a la voiture qui gardait mon domicile. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? C'était quoi votre réaction intime ? De la peur, ça vous a au contraire poussé à encore plus d'abnégation ? Qu'est-ce que ça a déclenché ? D'abord, je ne le crois pas. Je pense d'abord que c'est des plaisanteries. Je pense qu'il y a des gens qui jouent un peu avec moi. Et ce n'est que peu à peu que je comprends que c'est sérieux. Et je le comprends aussi parce que le procureur adjoint à l'époque qui m'avait fait venir dans son bureau et m'avait dit que, de source sûre, il savait que j'étais menacée. Et donc, nous avions décidé à ce moment-là que je devais demander une protection. Et cette protection a été mise en place, et ça c'est très impressionnant, parce que j'étais suivie jour et nuit, pendant plusieurs années, par plusieurs gardes de corps. Oui, mais quand vous, donc quand vous avez compris que ce n'était pas une plaisanterie, ouais. Est-ce que vous, quel était votre sentiment ? De la peur, ou vous vous disiez, vous jouez à ça, ben vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez C'est-à-dire, voir. C'est-à-dire, je comprenais évidemment qu'il y avait des forces importantes qui ne souhaitaient pas que l'enquête aboutisse. Mais juste au moment où cela arrive, vous êtes aveugle, c'est que vous tâtez, vous comprenez pas bien ce qui vous arrive. Mais et je ne savais pas d'où venaient les coups. Peu à peu, on comprend mieux, et surtout peut-être avec le recul. Moi, ça m'avait mis en colère. Je me suis dit, vous n'allez pas m'avoir comme ça. C'est vrai que le prix va être cher à payer, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Je m'arrêterai pas. Et les forces qui empêchaient l'instruction de se dérouler, vous parlez de forces, c'est les forces politiques. C'est qui ? Alors là... C'est pas à moi de le dire. C'est il y a eu des enquêtes à l'époque parce que lorsque mon domicile avait été cambriolé, mon bureau cambriolé, le bureau de mon greffier Serge Rongère avait été cambriolé, il y a eu des enquêtes. Mais ces enquêtes n'ont jamais abouti. On peut penser que je mettais à jour les relations entre la France et l'Afrique. Et que ça, c'était très sensible. Il fallait pas toucher à ça, quoi. Fallait pas toucher ouais. à ça. Et je pense que c'était ça le plus dangereux. C'était de mettre à jour comment le système fonctionnait. Nous avons mis du temps, mais ça, c'est aujourd'hui sur la table. Et c'est la partie la plus intéressante du dossier. C'est documenté aujourd'hui. Le fait que le dirigeant du Gabon... Monsieur Bongo à l'époque. Oui, à l'époque c'était Monsieur Bongo, mais aussi d'Angola par exemple. Le fait qu'ils ont un abonnement, donc quelques centimes sur chaque baril vendu, ainsi que une prime lorsque le contrat est signé, tout ça c'est documenté. Et ça a été aussi, je pense, le premier dossier où on a vu l'utilisation faite des paradis fiscaux. L'utilisation... Contre lesquels vous vous battez en ce moment, hein, tant que député. Absolument. Et ça, pour moi, ça a été une vraie éducation civique. C'est-à-dire de voir comment les multinationales opèrent. Et j'ai compris que c'était une nouvelle forme de colonialisme. Et ça, j'ai décidé que j'allais employer toutes mes forces pour mettre fin à ce système-là. Et Vajoli, en 1998, on était au cœur de l'affaire de l'instruction, et à l'époque, on écoutait notamment Proper Hellhead et Shirley Bassey qui chantaient History Repeating, souvenir. The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some is good, same joy. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Eva Joly, comment se comportaient les puissants dans votre bureau? Ces puissants-là qui sont les premiers à brandir l'étendard de la séparation des pouvoirs, que la justice soit indépendante, et eux arrivaient politiques, ils se sentaient puissants. Comment étaient-ils avec vous? Arrogants? Ils essayaient de vous intimider? Comment ça se passait? Je crois qu'on ne peut pas généraliser. Non, il ne faut pas donner de nom non plus, à moins que vous lui en donniez. Non, mais bon. Beaucoup sont séduisants. Beaucoup viennent avec l'idée que tout cela est une aimable négociation et qu'ils vont pouvoir aménager un peu, arranger un peu, parce que ça, c'est l'habitude. Si vous voulez, ce qui caractérise les hommes puissants, c'est que tout le monde leur obéit. Alors donc, être dans le bureau d'un juge d'instruction où les règles sont différentes, ça, c'est très violent pour eux. Et donc, je dirais que j'ai vécu la séduction, la menace, très clairement. Orale, dans votre bureau? Ah oui, très clairement. Et c'est du genre, je vous vois, je sais vos souffrances, je connais vos problèmes personnels. Et ça, c'est aussi une technique. Et aussi le mépris, oui, le mépris. J'ai eu un mise en examen qui me tournait le dos, par exemple. Vous ne direz pas de qui il s'agit? Non, c'est plus utile. C'est des vieilles histoires, mais bon. Et vous tournez le dos. C'est pour dire que sociologiquement, donc c'est intéressant. Donc il insultait la justice. Tourner le dos à un juge dans son bureau, c'est dire à la justice, vous n'êtes pas légitime. C'est ça, part. C'est absolument la seule légitimité, c'est le pouvoir. Ça. Et ça, je l'ai retrouvé souvent, plus tard aussi, sur le plateau, où c'est vraiment, vous n'êtes pas légitime, oui. Et qu'est-ce que ça procurait comme sentiment? Parce que vous étiez un juge, côté incorruptible comme ça, pour la justice, enfin vous êtes aussi un être humain. Donc je sais pas, le soir quand vous rentriez chez vous, c'était, s'il y avait quoi, de la fragilité? Donc, vous savez, ce qui est très important dans une situation comme ça de pression, c'est le petit cercle qui est autour de vous. Et la force, elle vient d'eux. Et ça, c'est des situations que je retrouve aujourd'hui en Afghanistan, par exemple. C'est la force, ce sont les autres, mais ce sont les très proches. Et donc, peu importe leur comportement, pour peu que j'avais le respect des juges qui étaient autour de moi, de mes policiers avec qui je travaillais, et de mon greffier. Et souvent, j'avais un petit message, parce que vous savez, nos ordinateurs sont reliés, et mon greffier envoyait des petits mots sur l'écran pour m'encourager à rester calme, par exemple. Et je me souviens, une fois, il écrivait « N'oublie pas que la boue n'atteigne pas la blanche colombe. » On a eu le sentiment, à tort ou à raison, que vous vous êtes acharné sur Loïc Le Floch-Prigent. Lui, plus que d'autres. Écoutez, Il me semble qu'historiquement aujourd'hui, on peut faire le bilan. On peut voir que les charges que j'avais réunies au début à son encontre sont exactes et qu'il n'y a pas un once d'acharnement d'avoir posé les questions, d'avoir fait des perquisitions, d'avoir établi exactement comment les choses se sont déroulées. Il était le PDG d'Elf, il était le responsable. J'ai démonté pour Elf le système de la grande baignoire qu'on remplit avec tous les contrats. Et sous le floc Prigent, il n'y a pas eu un contrat passé par Elf qui n'a pas donné lieu à des versements dans cette fameuse baignoire qu'ensuite servait à irriguer eux-mêmes, essentiellement, donc pour le floc Prigent, sa belle maison, c'est tout ce qui s'est fait payer par Elf. Et donc, il me semble que cette enquête a été, on ne peut plus, légitime, et que beaucoup de choses ont été documentées. Alors, au bout du compte, c'est vrai que seuls les dirigeants d'Elf ont été condamnés, pas les politiques, c'est pas un échec pour autant. Qu'est-ce que vous gardez finalement? Qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience-là, de cette enquête-là? Alors, je crois d'abord qu'il faut dire que c'est 90 mètres linéaires. C'est 250 tomes. C'est 44 000 cotes. C'est 10 mètres cubes de scellé. Et la vérité, elle se trouve en bas à droite, sur la page 53 du scellé 327. Un océan, quoi. Donc c'est un océan. Et j'ai eu peur pendant très longtemps que la justice ne pourrait pas la porter, parce que c'est la limite de ce qu'un être humain peut absorber. Il faut 3 mois simplement pour lire le dossier, relativement superficiellement. Et ce qui a été formidable, c'est que l'institution a supporté le dossier. Et surtout, ce qui caractérise le dossier ELF, c'est qu'il a abouti. Que sur les 37 personnes mises en examen, 30 ont été condamnées à des peines les plus sévères prévues par la loi. Ça, aucune autre instruction en Europe, menée en Europe, n'a concerné autant de personnes, autant d'argent. Donc, on ne peut pas dire que c'est un échec. À partir de l'affaire Elf, l'idée qu'il y a une classe d'impunis, que l'impunité est garantie pourvu que vous avez les bonnes connexions, ça, c'est fini. Et déjà pour moi, ça c'était une énorme victoire. Il me reste à vous remercier, Eva Joly. Je rappelle que vous êtes eurodéputée et que vous continuez à vous battre contre les paradis fiscaux. On n'a pas le temps d'en parler là, hein, mais vous confirmez que c'est bien ça. Ça serait une autre émission. Peut-être, absolument. Merci encore. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Elf, second volet. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.